passer dans ton sillage d'argent. Laisse-moi écumer le sang qui brille comme une source d'argent sur tes lèvres. Je ferai le voyage sans retour, ivre de ton amour. Source d'argent sur